parle de concurrence. On est hors catégorie. Escadrille, trésor et César. C'est la grosse merde. J'suis avec mon frère d'une autre mère. La note est salée comme si dessus y'avait de l'eau de mer. Les jaloux vont maigrir et ce jusqu'à l'anorexie. Les dollars et le deal s'entrechoquent dans mon gros lexique. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boom. Côté des holo VIP room. Les CD sortent comme les frères du Hef. Au compte goutte avec l'envie de se refaire. Et braque une banque au coupe coupe. Ma coupe la boule depuis que je suis tout petit. C'est celle des vainqueurs, regarde Jordan ou Zidane. Tout seul ce serait trop dur, c'est pour ça que je suis avec des potes. On se met en danger comme le clin d'œil d'un cyclope. Ouvrez les vannes, laissez couler le liquide. Et depuis que je fais des sous, le banquier fait sa petite victime. T'es touché, palpe tes pecs, ton ventre ou tes hanches. L'agression n'est que musicale, négro t'as de la chance. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du coup. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du coup. Les mecs qui veulent péra avec mes bizarreries, je les ai cramés, ces petits boîtards, ils font gollerie. Si je t'invite dans ma grotte, je te dirai goûte mon pote, mais si c'est de la compote d'MC, c'est archi bon, on finit par le pilon. Sinon je suis dans ma rue de luxe. Hier encore on m'a proposé une recette à détourner. Mes refrains, tu vois pas que j'essaye de rapper. Choque les ex-polos qui m'ont vu à la télé. Braque le rap comme l'a fait la banlieue sud pour ensuite m'évader de scène. Comme Ferrara de Fren, que noir et arabe se tiennent prêts. Je vais rafaler, rafaler pour sortir de la chaîne D. La classe depuis toujours, clic clic boum. Au bled ça met les grands boubous pour béflant même en Italie. Pauvre prolo, clic clic boum. Nouveau riche, sort du VIP room avec potiche. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du coup. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. Okay. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du coup. Des petites dédicaces à gauche, à droite. J'suis qu'un sale nec d'une petite cité, d'une grande ville de droite. J'fais mon chemin de la cité marron jusqu'au studio. Beaucoup d'embrouilles sur mon passage, des coups de slap dans mon ego de négro. Les mecs s'apprennent de nous, leur album s'appelle Bob l'éponge. Ils sont mon flow, ma dégaine s'appelle 13 bronze. Et ceux qui cherchent les histoires m'amusent. Ils font les hoches et ensuite se mettent en mode frère muse. En moi y'a Black Panther et Panther Rose millionnaire. Ta rose avec des flingues mignonnaires. Entouré d'équipes typiques, de têtes qui piquent, tu connais. Mais en avant certains pour me faire glisser la chose. Dion Fusion, si les blancs te suffisent pas, j'en ai des roses. Ainsi que des bonasses comme t'en as jamais vu. D'ailleurs madame, arrête le Gucci, mets-toi en Morgane. Parce que chérie, tu vas me faire piquer à tes organes. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du coup. Notre gang c'est de la dynamite, clic clic boum. Côté des holo VIP room. Dans les petits bolides ou les gros qui font boum. C'est l'escadrille, y'a du style, y'a du groove. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite. Notre gang c'est de la dynamite.